le public devant soi, le cœur qui bat si fort qu'on n'entend plus que ça, l'angoisse d'y aller et la peur de rater, enfin vaincre ses peurs, la face au projecteur, l'occasion de chanter le rêve d'une vie passée, partir droit devant, le cœur comme un enfant, me donner corps et âme et allumer la flamme, vous entendre crier, puis vous apprivoiser. Avant la scène, je fais le vide autour de moi. Avant la scène, ne pas penser que vous êtes là. Avant la scène, c'est quelque chose qu'on n'oublie pas. Avant la scène, c'est quelque chose qu'on ne vit qu'une fois. Démarrer la musique, attendre le déclic, mon souffle s'accélère, on allume les lumières, vos cris qui me dépassent, se trouver face à face, devant les spectateurs,